ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. فعقروها فأصبحوا نادمين. Mais ils la tuèrent, eh bien, ils eurent à regretter. فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Le châtiment en effet les saisit. Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Quand leur frère Lot leur dit: ne craindrez-vous pas Allah? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Je suis pour vous un messager digne de confiance. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Craignez Allah donc et obéissez-moi. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. Ils dirent: si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. Il dit: je déteste vraiment ce que vous faites. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Sauf une vieille qui fut parmi les exterminés. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. Puis, nous détruisîmes les autres. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ. Les gens d'Alaïka traitèrent de menteurs les messagers. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Lorsque Shuayb leur dit: ne craindrez-vous pas Allah? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Je suis pour vous un messager digne de confiance. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Craignez Allah donc et obéissez-moi.